My famous song, Mona Lisa. You win some, you lose some, it's all the same to me. Nice. That's an energy song the bus. Okay. en manque là. Il en manque. Hein. Il manque des mesures, attends. Ouais, attends. Je regarde combien il en manque. Pas sur la bonne mesure, pardon. Ouais. Alors, ah ouais, mais moi, mon tempo, je comprends pas, il a combien là? Attends, moi, il faut que je mette à 70, la séquence, il y a un problème. Putain, mais là ça speed. Hein. C'est ça? Yeah. Yeah, that's the speed. 140. Bravo, ça c'était bon. Ah, c'était bon. Moi j'ai pas le niveau. Ouais. Ouais. Et bon ce morceau.